Chapitre 22. L'invitation. Ophélie sentit le choc mou du sable dans son dos et contempla bêtement le souffle coupé par sa chute, la ligne floue de deux guirlandes de fanions à travers des nuages. Quand la brune lui picota les yeux, elle comprit qu'elle avait perdu ses lunettes. Elle reprit ses esprits en entendant des cris de douleur par-dessus la fanfare de la parade costumée. Elle roula sur le côté, mais ne vit rien d'autre autour d'elle que des silhouettes inidentifiables. Il lui semblait que l'une d'elles apparaissait et disparaissait à volonté dans un flamboiement rouge, distribuant des coups redoutables. Ophélie chercha ses lunettes à tâtons dans le sable. Ce fut l'écharpe, contaminée par son affolement, qui les trouva pour elle et les lui remit sur le nez. Dès qu'elle recouvra la vue, son premier regard fut pour Thorn. Il se dressait de toute sa hauteur, impavide, comme une statue de bronze, son porte-document encore à la main. Ce n'était vraisemblablement pas lui qui avait crié. Il ne paraissait ni blessé, ni même essoufflé. « Restez couché !» lui recommanda-t-il d'une voix ferme. Ophélie se rendit alors compte que trois des frères gisaient aussi sur le sable en gémissant, tandis que le quatrième, genou à terre, appuyait sa manche sous son nez pour endiguer une coulée de sang. Leurs belles franges blondes étaient complètement échevelées. La chroniqueuse avait l'air aussi choquée qu'Ophélie, pour cause. Elle était tenue en respect par une femme qui appliquait une dague sur sa gorge. Ophélie ne comprit plus rien quand elle reconnut la déchue au manteau rouge, dont les yeux étincelaient d'une froideur toute minérale sous sa chapka de fourrure noire. C'était donc cet invisible qui avait mis les frères dans un état pareil? De quel côté se trouvait-elle, en fin de compte? Thorn avait l'air de le savoir. « Je suggère que nous nous en tenions là, » dit-il sobrement, à croire qu'il clôturait une réunion administrative. La chroniqueuse pinça les lèvres, blême de fureur, mais elle se raidit en sentant la dague de l'invisible caresser la peau palpitante de son cou. Le spectacle de ces deux femmes entrelacées, l'une rose et féminine, l'autre rouge et guerrière, aurait pu passer pour un numéro de cirque soigneusement mis au point. « Très bien !» finit par murmurer la chroniqueuse en tordant un sourire déconfit. « Tenons-nous-en là, cousin !» Le quatrième frère, qui épongeait son nez en silence, se déplia aussitôt comme un ressort et propulsa son poing clouté vers Thorn. Empêtré dans le sable, Ophélie ouvrit la bouche, mais aucun son n'eut le temps d'en sortir. La tête du chroniqueur fut violemment projetée en arrière et tout son corps bascula avec elle, comme s'il venait de recevoir un coup brutal en pleine figure. Thorn n'avait pourtant ni levé le doigt ni lâché son porte-document. Il s'était contenté de poser sur son agresseur un regard incisif. C'était la première fois qu'Ophélie le voyait utiliser ses griffes. Elle fut frappée par la répugnance évidente qu'il avait éprouvée à y recourir. « Prêt à sacrifier votre sœur pour vous approprier ma mémoire ?» dit Thorn en contemplant dédaigneusement le corps tordu de douleur à ses pieds. « Et vous vous demandez pourquoi votre clan est voué à disparaître ? C'est pathétique. Sur un signe de lui, la femme au manteau rouge relâcha la chroniqueuse et obligea un par un les frères à se relever. Sa façon d'agir était à l'image de ses yeux, aussi dure et aussi froide que du diamant brut. Après un dernier regard venimeux pour Thorn, la chroniqueuse s'enfuit dans un froufrou de robe précipitée, son ombrelle sur l'épaule et ses frères, claudiquant piteusement à sa suite. Ils furent bientôt tous avalés corps et biens par le flot multicolore de la parade costumée. « Retournez à votre poste !» ordonna Thorn. « Nous ne devrions pas les revoir de sitôt. » « Oui, monsieur. » La femme au manteau rouge avait répondu en claquant ses bottes l'une contre l'autre, puis elle se recula discrètement. Au premier pas, elle était là. Au second, elle avait disparu. Tout s'était déroulé à une telle rapidité qu'Ophélie, hébétée, n'avait même pas eu le temps de se remettre debout. « Vous auriez dû me dire qu'elle travaillait à votre service. Je la prenais pour une ennemie. Je suppose que c'était elle, votre source. »« J'ai engagé cet invisible pour garder un œil sur vous. Son clan fait partie de ceux dont je plaiderai bientôt la cause. Je lui ai obtenu une dérogation exceptionnelle afin qu'elle puisse aller et venir en ville. » En toute légalité. Ophélie songea que, si ces déchus-là retrouvaient leurs lettres de noblesse, ça promettrait bien des joyeusetés à la cour. En attendant, Ils feraient d'excellents chasseurs. Elle me protège depuis des semaines, dit Ophélie en cherchant vainement l'invisible des yeux. Nous n'avons même pas été présentés. Quel est son nom ? Vladislava, répondit Orne, qui semblait trouver la question parfaitement incongrue. Elle est efficace, mais elle ne passe pas inaperçue. Pour une invisible, je veux dire. Elle n'a pas à le faire. Sa présence à vos côtés se veut dissuasive. Je n'ai pas bien compris ce qui vient de se passer, murmura Ophélie d'une voix tendue. Vos cousins, ils en avaient après votre mémoire? Thorn eut un plissement de bouche contrarié. Les chroniqueurs peuvent inoculer et absorber les souvenirs. Certains d'entre eux sont même capables de les falsifier. Vous aussi? Je ne suis pas pratiquant, mais je sais me protéger contre les intrusions. Jouer avec la mémoire des autres n'est pas seulement répréhensible. C'est dangereux pour l'équilibre mental. Ophélie nota que Thorn s'était accordé un instant de réflexion pour choisir ses mots. Il mettait beaucoup d'application à observer la parade costumée dont la musique de fanfare remplissait l'atmosphère, comme si ce spectacle populaire était un concentré de problèmes à lui seul. « Bon, reformulons les choses, » dit Ophélie en manipulant ses lunettes. « Ma vraie question était, avez-vous effectivement hérité les souvenirs de votre mère? Et ces souvenirs valent-ils la peine? Concentres-tu pour eux ?» Thorn écrasa un moustique sur sa nuque, d'une claque impatiente. « Je vous ai promis toute la vérité, rien que la vérité, » maugréa-t-il. « À la seule condition que ça vous concerne directement, vous en savez déjà beaucoup plus que vous ne le devriez. » Ophélie s'était accommodée de voir en Thorn un ambitieux et un calculateur, mais il lui fallait se rendre à l'évidence. Il était sans doute le fonctionnaire le moins corrompu de toute la magistrature. Peut-être avait-il ses raisons, des raisons souterraines et tortueuses pour défendre la cause des déchus, mais d'après ce qu'Ophélie avait pu en juger, leur dossier tenait du cadeau empoisonné. Thorn mettait sa vie en balance pour représenter des gens qui ne faisaient pas partie de sa famille, qui ne possédaient aucune influence en haut lieu et qui augmentaient le nombre déjà considérable de ses ennemis. Pensait-il qu'en cas de réussite et une fois leur position assise à la cour, les déchus réhabilités se souviendraient de son aide et lui rendraient l'appareil ? Si Ophélie n'était plus assez naïve pour le croire, il l'était certainement moins encore. Non, décidément, elle avait beau considérer la question sous tous les angles, cette force qui électrifiait en permanence le grand corps de Thorn, ça ressemblait à s'y méprendre, au sens du devoir. Ophélie frictionna ses bras l'un contre l'autre, rafraîchis par le vent, par la bruine et par une sensation froide qui lui venait de l'intérieur. En désertant son corps, la colère avait cédé la place à une étrange mélancolie. « Cette cousine doit mal vous connaître pour voir en moi votre faille. La vérité, c'est que vous ne vous reposez jamais sur personne. » Thorn cessa aussitôt de s'intéresser à la parade costumée et abaissa vers Ophélie son regard d'oiseau de proie. « Vous voulez régler tous les problèmes par vous-même ? » poursuivit-elle d'une voix épaisse. Quitte à utiliser les gens comme des pièces d'échiquier, quitte à vous faire détester du monde entier. Et vous, vous me détestez encore? Je crois que non. Plus maintenant. Tant mieux, grommela Thorn entre ses dents. Parce que je ne me suis jamais donné autant de mal pour ne pas être détesté de quelqu'un. Ophélie l'avait à peine écouté. Mais ce n'était pas par mauvaise volonté. De l'autre côté de la parade costumée, par-delà les jets de confettis et de serpentins, Hector avait entrepris d'escalader une grande construction métallique. Renard lui adressait force gesticulations désapprobatrices. « Il est temps que nous rentrions, » s'inquiéta Ophélie. « Nous avons déjà manqué le bateau du midi. Ma mère va nous réserver un accueil épouvantable. » Elle poussa un soupir de soulagement quand Hector atterrit sur le sable après une dernière galipette. Elle s'aperçut alors que Thorne l'observait également avec une concentration extrême, comme s'il voyait enfin ce jeune beau-frère en chair et en os, et non plus comme une notion abstraite de généalogie. Ses yeux gris étincelaient étrangement sous la lumière fluctuante du ciel, dans un curieux mélange d'aigreur et de curiosité. « Ces petits tracas de famille, » dit-il d'une voix lointaine, « je n'y connais vraiment rien. » À cette seconde, Ophélie sut pourquoi il avait tant retardé sa venue au sable d'Opale. Le quotidien de Thorne était tissé d'hypocrisie, de fraude, de chantage et de traîtrise. Dans une famille comme celle d'Ophélie, il était sans repère. Mû par une impulsion irrésistible, Ophélie tira sur la grande manche noire de Thorne. « Rentrez avec nous. » Si elle fut la première étonnée par sa propre familiarité, ce fut sans commune mesure avec la réaction de Thorne, qui perdit toute sa contenance. Il eut l'air soudain très gauche avec son porte-document pendu à son bras, tandis que son autre main, poussée par un réflexe trop solidement ancré, s'enfonçait dans la doublure de son manteau et cherchait la montre à gousset qui ne s'y trouvait pas, et pour cause. Elle était dans la poche d'Ophélie. « Maintenant ? Mais j'ai... je dois aller... mes rendez-vous. » Ophélie se mordit la chair des joues. Il n'y avait vraiment qu'à la caravane du carnaval qu'elle aurait pu voir Thorne bégayer ainsi avec, dans ses cheveux dépeignés, des confettis soufflés par le vent. « Restez au moins pour le déjeuner ? » proposa-t-elle. « Voyez ça comme une exigence diplomatique, si vraiment il faut soulager votre conscience professionnelle. » Thorne eut à nouveau cette convulsion des lèvres qu'Ophélie ne savait pas bien interpréter. Quand il sortit enfin sa main de son manteau, ce ne fut évidemment pas sa montre qu'il tenait, mais un trousseau de clés. « Puisqu'il s'agit d'une exigence diplomatique, » dit-il avec raideur, « je présume que je peux me servir du passe-partout de l'intendance. Il y a une rose des vents au poste de douane, à l'entrée d'Asgard. Allez chercher votre frère. » Ophélie acquiesça, satisfaite. « Je vous promets que ce ne sera pas aussi terrible que vous le pensez. »